Le journal Indian and World Event de l'Inde a fait paraître en brochure l'œuvre classique du président Kim Il-sung « Toute la nation doit s'unir pour unifier le pays en toute indépendance et dans la paix ». La cérémonie de parution a eu lieu à la maison du journal.